syndrome de Down ou trisomie 21 touche environ 50 000 personnes en France. Ce syndrome, provoqué par une anomalie génétique portant sur un chromosome, touche les personnes qui en sont atteintes aussi bien d'un point de vue physique que cognitif. Si l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 a considérablement évolué au cours des dernières décennies, ces personnes restent aujourd'hui plus exposées à des maladies neurodégénératives comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs s'emploient donc à comprendre les liens entre ces pathologies et la trisomie, mais aussi à trouver des moyens de traiter la déficience intellectuelle, le tout pour garantir aux personnes atteintes du syndrome de Down une meilleure autonomie et une espérance de vie accrue. Trisomie 21 génétique d'un syndrome, c'est le parcours que nous suivrons tout au long de cette heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre les enjeux de la recherche et de la prise en charge de la trisomie 21, j'ai le plaisir de recevoir ici en studio Jacqueline London. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite à l'Université de Paris au sein de l'UFR des sciences de la vie et vice-présidente de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, l'AFRT. Et avec nous en duplex depuis Strasbourg, Yann Hérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Mais tout d'abord, et avant de nous plonger dans notre sujet du jour, c'est l'heure de retrouver comme chaque jour Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. On commence avec le premier sujet de ce journal. Selon une étude parue dans la revue Nature, Homo erectus s'est éteint plus tard qu'on ne le pensait. Un Homo erectus, l'une des premières espèces de notre genre Homo, est apparu en Afrique de l'Est il y a environ 1,9 million d'années. Ils ont voyagé en Europe jusqu'en Asie et ont pensé, jusqu'à présent, qu'ils avaient disparu autour de 140 000 ans. Une équipe américaine a réexaminé des ossements d'Homo erectus découverts en 1930 sur l'île de Java en Indonésie. 12 calottes de crâne et 2 autres jambes. Les archéologues n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur leur datation. Les chercheurs ont donc fait une vaste analyse isotopique du site archéologique. Ils ont daté les sédiments de la rivière avoisinante et ont obtenu une nouvelle datation. Ces restes d'Homo erectus sont vieux de 108 000 ans. Dominique Grimaud-Hervé est professeur au musée d'histoire naturelle en paléoanthropologie. Elle trouve cette nouvelle chronologie passionnante. L'importance de cette étude et l'âge récent de ces Homo erectus confirme l'aspect buissonnant de l'évolution de l'homme, qui, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, était décrite comme linéaire. Et donc, on s'aperçoit au fil des découvertes que ce n'est pas du tout le cas. Il y a des Homo erectus jusqu'assez récemment. Et ces Homo erectus, finalement, sont contemporains des Néandertaliens en Europe. Ils sont contemporains des Homo sapiens qui sont déjà sortis d'Afrique depuis un moment. Et donc, ça confirme tout à fait l'aspect buissonnant de l'évolution de l'homme avec toutes ces espèces qui sont présentes en même temps et dans des contextes géographiques différents auxquels ils ont su s'adapter. On savait que les Néandertaliens, les Homo sapiens et les Denisoviens étaient présents à une même période chronologique. Donc sont venus s'ajouter l'homme de Flores, l'homme de Luzon et puis maintenant ces Homo erectus. Donc voilà, à 100 000 ans, on a toute une multitude d'espèces qui sont contemporaines. Maintenant, il va falloir trouver des explications à leur extinction. Donc à leur croisement possible entre ces différentes espèces, si ça se justifie, si c'est possible, quoi. C'est un nouvel état des connaissances. Et on passe au bref du jour. En bref, la capsule spatiale Starliner de Boeing a atterri hier dans le désert du Nouveau-Mexique. Oui, 48 heures après son lancement, c'est un échec partiel de la mission Starliner. Starliner, c'est le projet américain pour créer des vaisseaux taxis pour la station spatiale internationale. Le but est de ne plus dépendre de la Russie et des fusées Soyouz pour rejoindre l'ISS. La première capsule test a été lancée vendredi, mais elle n'a pas réussi à rejoindre la bonne orbite. Le premier vol habité était prévu pour 2020. La NASA doit donc trancher sur la fiabilité et la sécurité de la navette pour transporter des astronautes. La CNIL vient de blâmer plusieurs écoles françaises pour leur usage excessif de la vidéosurveillance. Et après avoir reçu plus de 25 plaintes, la CNIL a mis en demeure plusieurs établissements scolaires. Les enquêtes ont révélé que les règles et les précautions d'usage n'étaient pas respectées. Les élèves, les enseignants et tout le personnel étaient filmés en continu toute la journée. Si rien n'est fait, ces écoles risquent des sanctions financières. La CNIL rappelle à tous les autres établissements que la surveillance systématique est interdite. Elle demande à retirer ou à déplacer les caméras pour ne filmer que les accès et les espaces de circulation. Enfin, une étude parue dans The Astrophysical Journal nous explique la croissance rapide des premiers trous noirs supermassifs de l'univers. Grâce à l'instrument MUSE du très grand télescope de l'Observatoire européen Austral, une équipe internationale a observé 31 quasars situés à 12,5 milliards d'années-lumière de la Terre. Les quasars, ce sont les noyaux très lumineux des jeunes galaxies. Ils ont découvert que 12 quasars étaient entourés d'énormes quantités de gaz, des halos d'hydrogène qui s'étendent à plus de 100 000 années-lumière des trous noirs centraux. Selon ce papier, ces quantités de gaz permettent à la fois de soutenir la croissance des trous noirs supermassifs, tout en favorisant la formation d'étoiles. Merci beaucoup Natacha Triou, on vous retrouve demain pour le journal des sciences. Vous pourrez retrouver comme tous les jours les informations évoquées dans le journal des sciences, mais aussi celles qui parcourront l'émission dans l'heure qui vient sur notre fil Twitter @laméthodefc ou encore sur notre site franceculture.fr. Alors je le disais en introduction de l'émission, les personnes atteintes de trisomie 21 ont aujourd'hui une expérience de vie bien meilleure qu'il y a 60 ans. Malgré tout, aucun traitement n'existe à l'heure actuelle pour améliorer le déficit cognitif des personnes qui sont atteintes du syndrome de Down. Et c'est l'un des nombreux enjeux que nous évoquerons aujourd'hui, mais avant de nous plonger dans les pistes intéressantes de recherche fondamentale concernant ce syndrome, j'aimerais qu'on prenne le temps de bien poser les bases de ce qu'est la trisomie 21, et je vous propose, Jacqueline London et Vincent Hérault, je vous propose de commencer par une archive. Écoutez le biologiste Jean Rostand, c'était en 1959, dans l'émission Les Mystères de la Vie. Nous avons des preuves tout à fait directes, car il y a chez certaines espèces des anomalies de la structure chromosomique. Chez certaines mouches, par exemple, un chromosome peut se trouver raccourci. Au contraire, il peut présenter un segment surnuméraire. Et dans tous ces cas d'anomalies chromosomiques, nous observons des modifications du comportement héréditaire des animaux. C'est-à-dire que ces mouches, à qui il manque un petit bout de chromosome, se comportent dans les croisements comme si elles manquaient de certains gènes. Celles, au contraire, qui ont un segment surnuméraire, se comportent dans les croisements comme si elles avaient quelques gènes de plus. Il y a récemment, chez l'homme, une découverte très intéressante, très importante, faite par le professeur Turpin et ses élèves, monsieur Jérôme Lejeune et mademoiselle Gauthier. Et bien, cette découverte porte sur l'anomalie qu'on appelle le mongolisme. Vous savez, c'est une anomalie caractérisée par une déficience grave, aussi bien mentale que physique. Eh bien, nous ne savions pas jusqu'ici à quoi tenait le mongolisme. Et nous savons maintenant, grâce à l'étude des chromosomes faites en culture de tissu, que cette anomalie est liée à une anomalie chromosomique. Il y a un chromosome surnuméraire chez les Mongoliens. Voilà pour cet archive de 1959. On écoutait Jean Rostand. Une réaction éventuellement à ce que vous venez d'entendre, Jacqueline London, à ces propos de ce biologiste. Oui. Premièrement, bravo à Monsieur Rostand d'avoir mis l'accent sur le fait que c'est la première relation entre une anomalie chromosomique et un déficit cognitif et plus généralement ce qu'on appelait à l'époque le mongolisme. Et puis, c'est effectivement dans le laboratoire de Monsieur Turpin et par le fait que Monsieur Turpin, le professeur, pensait que c'était une anomalie chromosomique et non héritée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission par hérédité par l'un des parents ou grands-parents, puisqu'on connaît d'autres transmissions que la transmission de type mendélienne. Donc c'était une anomalie chromosomique due au hasard et découverte dans le laboratoire de Monsieur Turpin, qui en avait fait l'hypothèse 10 ans auparavant, que Marthe Gauthier, qui, revenant des États-Unis, a pris ses compétences dans la culture cellulaire pour faire ce merveilleux travail d'identification des chromosomes d'un petit mongolien, et que Monsieur Lejeune, qui ensuite a été grandement remercié pour sa découverte, mais ce qu'il a fait, c'est surtout comprendre l'importance de cette découverte, la première fois où ce n'était pas ni la syphilis, ni une autre maladie transmissible qui était la cause, mais une anomalie chromosomique. Yann Hérault, de quelle anomalie génétique on parle quand on parle de trisomie 21 et quelle partie du patrimoine génétique est affectée ? Alors, il n'y a pas de partie vraiment affectée dans le patrimoine génétique des personnes atteintes de trisomie 21. Ils ont un chromosome 21 en plus que les pairs, normalement, que l'on attend pour tous les chromosomes qui constituent nos cellules. Donc, au lieu d'avoir deux chromosomes, un qui vient du papa et un qui vient de la maman, on a trois chromosomes. Et c'est cette addition d'un chromosome surnuméraire qui va conduire à cet état qui est un petit peu différent de l'état normal et qui va conduire en particulier à une atteinte caractéristique du faciès, qui a nommé au début la maladie comme étant le mongolisme, et qui conduit aussi à un défaut d'apprentissage, un défaut cognitif. Alors avant d'en venir à ces manifestations cognitives et physiques de cette pathologie, j'aimerais comprendre aussi ce qu'est la méiose, qui est une étape un peu cruciale dans la division cellulaire et qui a un rôle important dans l'apparition de la trisomie 21, Jacqueline Nondon. Je pense que Yann pourrait mieux en parler, mais je voudrais souligner que premièrement, ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Ils sont tous différents et ils ont un certain nombre de caractéristiques, mais on ne peut pas dire, comme dans d'autres pathologies, que la trisomie 21 se caractérise par tel aspect. C'est une accumulation d'effets, des symptômes qui existent dans la population générale, qui font la maladie différente pour tous, mais avec quelques constantes quand même. On reviendra à ces différents types de trisomie tout à l'heure. Yann Hérault, sur cette question de la méiose, quel est son rôle dans l'apparition et la survenue de la trisomie 21 ? Alors, la méiose est essentielle pour que tous les embryons aient un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. La méiose, donc chez la mère ou chez le père, au départ, on a deux paires de chromosomes qui viennent effectivement des parents et de la même manière identique. Et au cours de la méiose, il y a des échanges de matériel entre chromosomes, mais c'est pas le cas. Et il y a aussi une séparation des chromosomes. Un va aller d'un côté et l'autre va aller de l'autre. Et ça se fait pour les 23 paires de chromosomes, y compris les chromosomes sexuels. Dans la trisomie 21, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un dysfonctionnement de la méiose, soit au cours de la première étape, soit au cours de la deuxième, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui conduit en fait à la présence d'un chromosome surnuméraire, un chromosome 21 surnuméraire, dans une des gamètes. Et c'est principalement d'origine maternelle. Alors, l'origine maternelle est pas complètement comprise, mais ce que l'on pense, c'est que comme les gamètes maternelles sont faites très précocement, juste au moment de la puberté chez la femme, on pense qu'il y a des erreurs au fur et à mesure de l'âge qui apparaissent et qui entraînent des absences de séparation des chromosomes au cours de la méiose. Voilà. Ce qui expliquerait entre autres que le risque de donner naissance à un enfant trisomique est plus élevé quand on est plus âgé, c'est ça ? Tout à fait, c'est ce qu'on observe en fait. Donc alors, on l'explique dans l'autre sens. Mais c'est effectivement ça, on a un risque beaucoup plus important d'avoir un enfant trisomique à 34 ou 40 ans que quand on a 18 ans. C'est pour ça que le dépistage actuellement en France est préconisé pour des personnes qui ont un âge autour de 34-35 ans, à un moment où les risques qui sont associés à la technique de dépistage sont à peu près équivalents au risque d'atteinte de la trisomie 21 chez le fœtus. Ceci peut être diagnostiqué par d'autres techniques, mais c'est principalement celui-là actuellement qui est utilisé. C'est une amniosynthèse avec des cellules du fœtus qui sont récupérées dans le liquide amniotique et qu'on met en culture. Et on peut observer la présence, comme le faisait Turpin et Lejeune et Gauthier, du chromosome surnuméraire. Maintenant, il existe d'autres technologies qui ont avancé. On reviendra justement à ces technologies-là de dépistage. Jacqueline Nondon, sur les manifestations cognitives et physiques de la trisomie 21, est-ce que vous pourriez nous les rappeler ? Quels sont les symptômes, entre guillemets, de la trisomie 21 ? Alors, ces personnes qui ont une trisomie 21, mais qui ne sont pas trisomiques, s'il vous plaît, Elles ont différents symptômes, des symptômes morphologiques, on les en fait caractériser par des anomalies ou différences plutôt qu'anomalies de la face, des membres, des mains, des pieds. Ils ont des anomalies des viscères, des malformations cardiaques, des sténoses duodénales. Ils ont une réelle hypotonie et puis le système hormonal. Ils ont une hypo et une hyperthyroïdie qui est maintenant bien surveillée et contrôlés. Ils ont des petites anomalies, mais sérieuses, du système immunitaire. Et puis, ils ont quelque chose de très intéressant pour la recherche et pour comprendre l'origine des cancers, c'est qu'ils font plus de leucémie. Des cancers liquides. Des cancers du système lymphatique et par contre moins de cancers solides, ce qui permet de penser. Des cancers à tumeurs, des cancers à tumeurs, que ça soit cancer du sein, cancer de la prostate, etc., qui sont l'une des causes de mortalité dans la population générale. Et comprendre pourquoi. Dans les personnes avec trisomie 21 font certains cancers avec un risque plus élevé ou d'autres avec un risque beaucoup moins élevé, montre qu'il y a dans ce chromosome 21 des gènes, des protéines qui soit directement, soit indirectement agissent pour exciter les cellules cancéreuses à se développer ou au contraire pour empêcher certaines cellules plus caractéristiques de se multiplier. On reviendra en deuxième partie sur ces aspects un peu plus fondamentaux liés à la trisomie 21. Yann Hérault, concernant les manifestations cognitives de la trisomie 21, quelles sont-elles et comment on les diagnostique, entre guillemets ? Alors, le premier diagnostic est fait après... peut être fait pendant la vie fœtale, mais souvent aussi après la naissance. Il se caractérise par un déficit d'apprentissage de certaines fonctions cognitives. Le langage est plus retardé, mais il apparaît chez la plupart des personnes qui sont atteintes de trisomie 21. Il y a un retard d'apprentissage et en fait, ils vont évoluer jusqu'à un âge qui va être autour de entre 6 à 10 ans. Donc ensuite, ce retard d'âge mental va ne pas, en fait, ils vont ne pas progresser et ne pas pouvoir avoir une vie complètement autonome. Il faudra les accompagner tout au long de leur vie pour pouvoir les intégrer dans la société. Jacqueline London, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Oui, quand on dit développement cognitif, il faut savoir qu'il y a plusieurs, ça s'évalue, la déficience intellectuelle s'évalue, l'INSERM a fait un grand travail avec une évaluation, et on sait maintenant les différents aspects des déficits cognitifs dans différents syndromes, et dans le cas de la trisomie 21, on ne peut pas parler d'âge mental. On peut parler d'âge mental dans les apprentissages scolaires, mais pas dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de personnes avec trisomie 21 libres et homogènes, parce qu'il y a d'autres types de trisomie 21 en moindre ensuite. Nombre. Eh bien, ils savent s'occuper de leur corps, ils savent se déplacer, ils peuvent travailler, ils peuvent être des artistes au sens propre du terme, artistes pour le cinéma. Nous en avons connu un qui est Pascal Duquesne, que je connais bien, mais qui, sur certains plans cognitifs, n'est pas un adulte de 40 ans, mais sur d'autres plans, oui. Donc, attention à nous, scientifiques, de ne pas dire d'une personne sur des évaluations de QI qui se font maintenant par plusieurs types d'échelles, qu'ils ont tel ou tel âge mental. L'âge mental ne veut pas dire grand-chose. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h18, vous écoutez La méthode scientifique sur France Culture, une émission consacrée aujourd'hui à la trisomie 21, au syndrome de Down. Et pour évoquer cette question, nous sommes accompagnés aujourd'hui de Jacqueline London, professeure émérite à l'Université de Paris au sein de l'UFR des sciences de la vie et vice-présidente de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 et en duplex depuis Strasbourg avec Yann Hérault, directeur de recherche CNRS à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Alors Yann Hérault, vous évoquiez tout à l'heure les différentes techniques de dépistage. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu quelles sont ces techniques de dépistage, quelles sont leur efficacité, leur invasivité, etc. Alors, il y a plusieurs techniques de dépistage qui ont été utilisées pour voir si le fœtus était porteur d'une trisomie 21. Il y a un dépistage qui marche vraiment pas très bien, mais il faut quand même le mentionner, qui est sur un taux hormonal dans le sang maternel, associé aussi à l'épaisseur de la clarté nucale, donc l'épaisseur de la nuque du fœtus à un stade de développement, permettait déjà d'orienter vers un diagnostic de fœtus porteur de la trisomie 21. Ensuite, la manière de confirmer ce diagnostic était d'aller prélever des cellules fœtales dans le liquide amniotique et de les mettre en culture afin de regarder si ces cellules portaient un troisième chromosome. Ce qu'on appelle l'amniosynthèse. Classique. L'amniosynthèse, tout à fait. Ensuite, ce que l'on a, ce qui se développe maintenant, c'est qu'on est en mesure, alors là on fait un bond dans la technologie, on est en mesure de détecter dans le sang maternel des cellules fœtales qui se sont détachées, du placenta, enfin de la partie fœtale du placenta, et on est capable de voir s'il y a effectivement présent dans ces cellules fœtales un chromosome 21 surnuméraire. Et ça permet de poser un diagnostic. Alors je ne pense pas qu'en France il soit encore mis sous forme de dépistage global, mais plutôt toujours en recherche. Mais c'est quelque chose de très prometteur et qui permet vraiment d'identifier les fœtus porteurs de trisomie 21. Jacqueline London, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Oui, désolé Yann. Non, la recherche de trisomie 21 par l'utilisation de sondes sur l'ADN libre circulant est aujourd'hui non seulement pratiquée en France, mais aussi remboursée par la Sécurité sociale. Ceci étant, c'est une confirmation d'un outil, mais ce n'est pas une preuve absolue. La seule preuve absolue, ça sera l'amniosynthèse néanmoins. Mais cette méthode permet de diminuer drastiquement le nombre d'amniosynthèses et de fausses couches par ailleurs, dont le nombre était entre 1% et 0,1% suivant les études en France. C'est très important cet ADN circulant parce que il faut savoir que c'est un très bon outil, mais pas dans tous les cas de trisomie 21. En tout cas, pas dans les cas de mosaïque et pas dans les cas de translocation. Mais c'est l'outil proposé non pas aujourd'hui, mais en confirmation, en deuxième étape, après avoir fait encore pour le moment les tests de ce qu'on appelle les marqueurs sanguins dont tu as dit qu'ils n'étaient pas très bons, et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre d'amniosynthèses réalisées en proportion du nombre de naissances en France? Je crois qu'on parle de 800 000 naissances annuelles en France et environ 20 000 amniosynthèses pratiquées, un chiffre en baisse justement pour ces raisons que vous évoquiez de risques liés à cette pratique de l'amniosynthèse, Jacqueline London. Alors, il faut savoir que l'amniosynthèse et les tests avant l'amniosynthèse, ça ne concerne pas que la trisomie 21. Mmh. Il y a beaucoup d'autres anomalies du tube neural, beaucoup d'autres anomalies qui sont détectées par l'échographie. Il faut saluer le Collège des échographes qui ont fait un travail de régularisation de leurs données parce que les échographes et les échographistes avaient des données légèrement différentes. Ils ont rassemblé toutes leurs données. Donc, il y a beaucoup, beaucoup moins d'amniosynthèse. Je pense que le chiffre est encore moindre que celui que vous donnez. Mmh. Mais il faut savoir que les personnes qui savent qu'elles portent peut-être un enfant avec une trisomie 21, voire une trisomie 13 ou une trisomie 18, toutes ne sont pas enclines à faire une amniosynthèse parce qu'elles ont décidé, pour des raisons soit d'éthique personnelle, soit d'éthique religieuse, de garder leur enfant. Le choix existe. Et il faut saluer ces choix, bien qu'ils soient extrêmement difficiles. Et je crois que ces choix vont permettre d'apprendre beaucoup pour les chercheurs. C'est un tout autre sujet d'émission. Là, on parlait de dépistage. Vous l'évoquiez à l'instant, Jacqueline London, il n'y a pas une trisomie, mais plusieurs types de trisomie. Alors, Yann Hérault, quels sont ces grands types de trisomie et comment les caractériser? Alors, les principaux types de trisomie qui sont, on va dire, compatibles jusqu'à la naissance sont, comme l'a mentionné Jacqueline London, les trisomies 13, 18 et 21. Donc, qui portent à chaque fois sur le chromosome dont le chiffre est cité. Conduisent malheureusement à des conditions qui sont très difficiles. Mm-hmm. Seule la trisomie 21 est relativement compatible avec la vie. Les autres trisomies sont quand même responsables. Les autres aneuploïdies au sens large, c'est-à-dire à la fois trisomie... Qu'est-ce qu'on appelle une aneuploïdie, vous pouvez rappeler ? Monosomie, perte d'un chromosome ou perte d'une grande région de chromosome, conduit généralement à des fausses couches. Et ça, ça correspond à peu près... Alors là, les données ne sont pas complètement claires, parce que ce n'est pas fait de manière systématique, mais à peu près la moitié des fausses couches sont dues à des anomalies de grand... De nombre de chromosomes, en fait, à ces aneuploïdies. Alors, pour compliquer un petit peu plus notre affaire, la trisomie 21 elle-même comporte 3 sous-types ou 4 éventuellement. Est-ce qu'on pourrait rappeler quels sont ces 3 sous-types entre la trisomie 21 libre, par translocation, en mosaïque et par duplication, Jacqueline Landon? Alors, tout de suite, vous avez... donc, un chromosome en plus, c'est la trisomie 21 libre. Mmh. Et puis, il peut y avoir des morceaux de chromosome 21, un petit morceau plus ou moins grand, qui va se transloquer sur soit le 21, c'est une translocation robertsonienne, soit sur un autre chromosome. Tous les chromosomes s'appellent des autosomes, sauf les chromosomes sexuels. Donc, ça peut se placer à n'importe quel endroit d'un autre chromosome. Et puis vous avez aussi un quatrième type, si on peut dire, de trisomie 21 libre, mais celle-ci, elle est en mosaïque, c'est-à-dire que certaines cellules contiennent ces 3 chromosomes 21 et certaines ne contiennent que 2 chromosomes 21, comme chez toute personne qui n'a pas de trisomie 21. Je voudrais souligner quelque chose aussi au sujet de le chromosome 21 surnuméraire, qui est dans 90%, 92% des cas d'origine maternelle et plus fréquemment de la maman âgée, mais aussi du papa, mais pas beaucoup. On pense maintenant, il y a un papier récent qui dit que les papas jeunes peuvent donner un petit nombre accru de trisomie 21. Et puis, ce que... J'en ai perdu mon... Voilà, Mais la majorité des personnes nées avec une trisomie 21 sont nées lorsque leur maman avait moins de 35 ans. Parce que, dans l'espèce humaine, on fait en général des enfants avant 35 ans et surtout avant 45. Mais avec l'accroissement de l'âge de la maternité, on augmente le risque de trisomie 21. C'est pour ça que le dépistage est important pour accueillir ou ne pas accueillir un enfant né différent. Yann Hérault, vous évoquiez tout à l'heure le concept d'aneuploïdie. Est-ce que vous pourriez nous le définir, ce concept-là, et est-ce qu'on en a une idée de la cause dans le cas de la trisomie 21? Alors, l'aneuploïdie, c'est la présence ou l'absence d'un chromosome dans les paires de chromosomes, dans l'une des 23 paires de chromosomes que nous avons. Est-ce qu'on a une idée des causes qui sont motrices de cette aneuploïdie ? On n'a pas d'idée réelle à ma connaissance actuelle. On n'a pas de mécanisme. On suppose que c'est un défaut au niveau de la méiose. On a certainement aussi, quand il s'agit de duplication segmentaire, donc c'est une autre forme que vous avez mentionnée, ce sont probablement des recombinaisons à l'intérieur du chromosome 21 qui fait que ça se duplique. Ça arrive dans d'autres pathologies qui sont aussi d'autres types d'aneuploïdies, souvent segmentaires. On a aussi des mécanismes au niveau du mosaïcisme qui sont probablement des erreurs au niveau de la mitose, donc une division cellulaire plutôt assez classique dans les cellules. Mais là encore, tout dépend, il faut vraiment analyser le contenu des chromosomes pour essayer de comprendre l'origine de cette addition d'un chromosome supplémentaire dans les personnes porteuses de trisomie 21. Jacqueline Landon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, tout ça est tout à fait exact, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on est en train de faire un autre bond en avant scientifique, c'est qu'on va avoir des outils pour analyser justement les gènes et l'origine de ces segments complets ou incomplets chromosomiques. Et ça va nous donner une idée et ça va permettre de comprendre mieux les mécanismes de ces aneuploïdies. Il y a des laboratoires entiers qui essayent de comprendre ces aneuploïdies qui n'existent pas seulement dans l'espèce humaine, qui existent aussi chez la souris, chez le singe, chez le petit ver, etc. et ces aneuploïdies, variations des parties de chromosomes, pas forcément du nombre entier, ça existe aussi dans des maladies neurodégénératives. Donc, vous voyez, comprendre la trisomie 21, qui était le but de la création de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 FRT en 90, c'était d'essayer de pousser la recherche et de comprendre, comme pour les autres maladies. Mais ça va permettre de comprendre plein de choses. Eh bien, vous me devancez, puisque ce sera exactement le sujet de notre deuxième partie. Brandt's Methods à 16h32 sur France Culture. Vous écoutez La Méthode Scientifique et nous parlons tout au long de cette heure de trisomie 21 en compagnie de Jacqueline Landon, professeure émérite à l'Université de Paris au sein de l'UFR des sciences de la vie et vice-présidente de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21, et en duplex depuis Strasbourg avec Yann Hérault, directeur de recherche CNRS à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Alors on a fait un premier tour de table et tour d'horizon de ce qu'est la trisomie 21, une présentation générale. J'aimerais maintenant qu'on en arrive un peu plus aux questions de recherche fondamentales. On arrive à l'actualité qui nous a conduite à faire cette émission, un article paru récemment dans la revue Science qui se concentre sur une réponse intégrée au stress, baptisée ISR. C'est une réponse au niveau cellulaire, un mécanisme qui garantit l'équilibre entre la synthèse et la dégradation des protéines. Yann Hérault, j'aimerais comprendre quel est le rôle de cette ISR au niveau cellulaire et quel lien l'étude en question établit entre l'ISR et la trisomie 21. Alors, l'ISR, en fait, la réponse intégrée au stress permet de conserver ce qu'on appelle l'homostasie protéique, c'est-à-dire la balance. Garder un bon équilibre, une bonne balance dans la production des protéines qui sont nécessaires aux fonctions cellulaires qui sont importantes pour notre organisme. Par exemple, au niveau des synapses dans notre système nerveux central, on a besoin de créer des architectures complexes de protéines qui vont être dans ces endroits très spécialisés qui vont conduire l'influx nerveux d'une cellule à une autre. Alors, qu'est-ce qu'a montré cette étude ? Alors, cette étude a montré que dans les cellules dérivées de patients, de personnes atteintes de trisomie 21, et aussi dans des souris modèles de la trisomie 21 qui présentent aussi des copies surnuméraires des régions qui sont homologues au chromosome 21, on a une activation de la voie de réponse au stress protéique qui va conduire à l'élimination de certaines protéines et à l'arrêt de la traduction. Et en fait, on peut concevoir, ce qui a été posé déjà par plusieurs personnes il y a déjà plusieurs années, comme Vieira aussi dans mon équipe, que la présence d'un chromosome 21 surnuméraire va conduire à une augmentation non seulement de l'expression d'un ensemble de gènes du chromosome 21, qu'on est toujours en train d'étudier, mais aussi, une fois cette expression en ARN messager, la traduction de certains de ces ARN messagers va conduire à la surproduction de certaines protéines qui vont perturber, de ce coup, l'architecture de complexes multiprotéiques dans lesquels plusieurs acteurs protéiques vont s'agréger l'ensemble. Et on va perturber, on va rajouter en fait des éléments supplémentaires. C'est comme comme vous montez du Lego. Si vous avez des pièces en trop et que vous les rajoutez dans votre construction, vous allez arriver à quelque chose qui n'est pas forcément efficace. Et donc la réponse cellulaire, c'est de bloquer cette traduction pour revenir à quelque chose de plus fonctionnel, de plus opérationnel. Ceci étant, l'ISR étant suractivé, on bloque une partie de la traduction et on empêche le fonctionnement neuronal dans ces cellules. Donc, et dans les cellules dérivées de personnes atteintes de trisomie 21 ou dans ces cellules dérivées de modèles animaux. Et donc, ce qu'ont démontré ces chercheurs, c'est que quand on bloquait cette fois-ci cette réponse intégrée au stress, on pouvait récupérer un fonctionnement normal cellulaire et aussi un fonctionnement cognitif quand on fait cette approche par des approches génétiques sur des modèles souris. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet ISR... Pardon, Jacqueline London, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'ils n'ont pas fait que travailler sur des souris, mais ils ont pris aussi, et c'est quand même une des voies d'approche de la compréhension de la trisomie 21, ils ont pris des IPS, des cellules pluripotentielles induites qui viennent de sujets avec trisomie 21, et ils ont regardé des cellules neuronales provenant de ces IPS et montrer que là aussi, il y a une augmentation, une activation de l'ISR et que cette activation pouvait être réduite avec un inhibiteur de l'une des composantes de cet ISR. Ça, c'est très important parce que cet article porte sur les deux outils très importants qui sont à la fois les souris et leurs apprentissages et les cellules venant de patients. Il y a Nero, ce qui est aussi très intéressant, c'est que cet ISR dérégulé, c'est une caractéristique de certaines pathologies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer, qui touche particulièrement les personnes atteintes de trisomie 21. Alors, là, on s'engage sur un terrain qui est un peu plus difficile. Il n'y a pas de relation directe, à ma connaissance, entre l'ISR et la maladie d'Alzheimer. Par contre, pour revenir sur ce que disait Jacqueline Landon, effectivement, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, ils ont utilisé des cellules dérivées de personnes atteintes de trisomie 21, ces fameuses cellules IPS, qui permettent de faire une bonne transition sur l'homme, parce que bien sûr, chez l'homme, on ne travaille pas sur le cerveau directement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer qu'en réduisant cette suractivation de l'ISR, ils arrivaient à rétablir un fonctionnement cognitif normal chez l'animal, ils arrivaient à rétablir un fonctionnement de la synthèse protéique normale aussi dans les cellules de patients, et ça ouvre sur des voies thérapeutiques. Oui, parce qu'on rappelle qu'il n'y a aucun traitement pour l'instant. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'alors. Il y a plusieurs hypothèses qui sont actuellement à l'étude. La trisomie 21, dont on pourrait parler. Et effectivement, il n'y a pas de traitement, mais il y a des essais thérapeutiques qui ont eu lieu et qui ont toujours lieu d'ailleurs avec des gènes candidats du chromosome 21, qui est une autre alternative, une autre hypothèse sur laquelle travaillent beaucoup de chercheurs dans le monde. Jacqueline London, quelque chose à rajouter éventuellement ? Oui, je voudrais dire que il y a dans le cas des personnes avec trisomie 21, on a aujourd'hui en France, dans un pays où on fait le diagnostic anténatal, un moindre nombre de personnes jeunes. Et par contre, un grand nombre de personnes âgées, puisque l'espérance de vie va jusqu'à 60, 70 ans, ça dépend s'ils vont faire une maladie d'Alzheimer ou non. Et il y a un vrai problème du vieillissement global des personnes avec trisomie 21, avec des vieillissements qui concernent les troubles du langage, les aspects moteurs, les anomalies de l'odorat, le sommeil, etc. Et qu'il ne faut pas se focaliser sur un seul aspect. Il y a aussi un autre aspect très important qui sont les aspects oculaires et les aspects dentaires qui, au cours du vieillissement, comme dans la population générale, mais qui sont plus précoces chez les personnes avec trisomie 21. Et c'est un vrai modèle vivant pour étudier un certain nombre de pathologies de la population générale. Yann Hérault, Jacqueline London le rappelait à l'instant, l'espérance de vie des personnes atteintes de trisomie 21 a considérablement augmenté ces 60 dernières années. De combien elle a augmenté cette espérance de vie ? Alors, elle était de 40 ans à peu près dans les années 40, ou même 35 ans, et elle a augmenté aujourd'hui pour être entre 60 et 70 ans. Et il faut savoir que c'est pour deux types de raisons, les cardiopathies congénitales qui sont un des faits de la trisomie 21 et étudier la trisomie 21 et les cardiopathies permettent de comprendre pourquoi il y a des cardiopathies dans la population générale, cardiopathie de l'enfant, et à cause des antibiotiques et de l'hygiène générale. Et puis, ce que je vous disais, c'est qu'ils ne font pas de cancer solide, d'accord ? Et en plus, en gros, ils ne font pas de maladies cardiovasculaires. Yann Hérault, à ce vieillissement s'associe une plus grande proportion de personnes atteintes de trisomie qui contractent la maladie d'Alzheimer. Environ 45% des personnes atteintes de trisomie à 60 ans ont la maladie d'Alzheimer quand elles atteignent l'âge de 60 ans. Comment on explique cette comorbidité-là, ce lien-là ? Alors, c'est une comorbidité importante qui a été découverte à la fin des années 90, peut-être même avant, et qui est due en fait à la présence sur le chromosome 21 du gène qui est le gène précurseur de la protéine amyloïde. C'est cette protéine amyloïde qui va être clivée, qui va donner ce célèbre peptide qu'on appelle le peptide A-bêta, que l'on retrouve aggloméré dans des plaques dans le cerveau des patients Alzheimer. Donc les origines, ce qui est remarquable, c'est que l'équipe de Campion, Revel-Lecrut, a démontré qu'il existe des formes familiales relativement rares d'un certain type de maladie d'Alzheimer, je ne dirai pas du type myopathie cérébrale, qui est due simplement à la présence de trois copies du chromosome, de la région qui contient le gène APP. Donc c'est pas une trisomie complète, c'est une trisomie segmentaire très très petite. Certains patients, c'est un peu plus important. Mais dans les personnes trisomiques les personnes atteintes de trisomie 21 qui ont un troisième chromosome 21 surnuméraire, on a ces trois copies de la protéine APP qui doit favoriser, en fait, malheureusement, le développement de la maladie d'Alzheimer. Il faut ceci quand même garder en mémoire que dans la maladie d'Alzheimer, la forme que l'on observe dans les patients, les personnes qui ont des trisomies 21, est différente de la forme qui est due à la duplication du gène APP. Et là, il y a encore des mécanismes que l'on ne connaît pas. On pense qu'il existe d'autres gènes sur le chromosome 21 qui interviennent certainement sur la régulation de la voie de synthèse du peptide A-bêta. Là, il y a des équipes, notamment britanniques, qui travaillent sur le sujet et qui ont donné des résultats très intéressants. Mais ça reste encore, les gènes qui sont impliqués sur le chromosome 21 restent encore à découvrir. Jacqueline London. Oui, je voudrais ajouter que puisqu'on est dans la méthode scientifique, Monsieur Alzheimer, Alois Alzheimer, avait montré sur des cerveaux de patients mongoliens qu'il y avait des plaques, comme chez sa première patiente Augusta. Et donc ces plaques amyloïdes qui n'étaient pas celles qu'on caractérise maintenant, mais qu'il avait caractérisées, lui, avec ses outils de l'époque, ont permis de montrer que le premier gène sur le chromosome 21 qui a pu être connu, c'est ce gène APP qui donne ces peptides amyloïdes. En effet, et un autre aspect, c'est qu'il existe très peu de patients, mais quelques-uns. Il y a eu deux publications, une qui a été faite post-mortem sur une personne qui n'avait pas de maladie d'Alzheimer, mais avait une trisomie 21 dite libre à l'époque, mais n'a pas eu de maladie d'Alzheimer. Et on s'est aperçu qu'elle avait l'absence du locus APP, et puis un autre patient qui est suivi actuellement aux États-Unis depuis 20 ans, qui a une micro-délétion sur ce troisième chromosome 21 et qui fait qu'il n'a pas de plaque. Il faut savoir que les plaques qu'on trouve et les anomalies des peptides amyloïdes ne sont pas exactement les mêmes que dans la maladie d'Alzheimer, on les trouve très tôt chez des patients. Quand je dis très tôt, c'est pas 20 ans, c'est 4 ans, voire peut-être plus tôt. Et savoir pourquoi ces plaques existent et cette anomalie, comme Yann le décrivait très bien, cette anomalie du clivage de la molécule APP est très important. Et encore une fois, travailler sur la trisomie 21 permettra de mieux comprendre la maladie d'Alzheimer en général. On n'aura pas assez d'une heure pour parler de tous ces sujets-là. J'aimerais maintenant qu'on s'attache à parler des recherches sur le déficit cognitif lié à la trisomie 21. Yann Ayrault, est-ce qu'on est aujourd'hui en mesure d'identifier les gènes responsables de la déficience intellectuelle chez les personnes atteintes de trisomie 21? Alors, c'est un gros pan de recherche qui mobilise et sensibilise beaucoup de chercheurs en France et de par le monde. Et effectivement, la première attention de ces chercheurs s'est portée sur le chromosome 21, puisqu'on sait c'est la trisomie du chromosome 21 qui conduit à ces troubles sensoriels, à ces déficits attentionnels, à ces déficits de mémoire qu'on observe chez les personnes porteuses de trisomie 21. Donc il y a plusieurs laboratoires qui ont travaillé, qui ont identifié des gènes qui sont portés par le chromosome 21, comme le gène DIRQ1A, qui code pour une kinase, ou le gène de la CBS, que connaît très très bien Jacqueline Landon, et je lui laisserai en parler, qui sont importants et qui, dont le surdosage contribue, en tout cas dans les modèles animaux, à des déficits mnésiques, des déficits de mémoire, des déficits cognitifs et des déficits aussi de motricité. Jacqueline Landon, est-ce qu'il y a des essais en cours, par exemple, pour trouver une molécule qui inhiberait l'expression de ces gènes en question? Alors, Yann le disait, il y a plusieurs essais. Mmh. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de succès, mais comme toujours, méthode scientifique oblige, des échecs conduisent à mieux comprendre et peut-être à trouver des pistes aléatoires. Et je pense que le travail sur DIRC est un travail important, ce n'est pas le seul, mais vraisemblable. Et il est d'autant plus important qu'on a trouvé, grâce à ce gène DIRC, et encore une fois, méthode scientifique, le gène DIRC a été trouvé chez la drosophile au départ, puis par une anomalie de développement de l'aile, puis dans le génome de souris et humains. Il a conduit, grâce aux outils qu'a développé Yann, les souris transgéniques, et on a montré des déficits dans les souris transgéniques qui surexprimaient le gène DIRC, soit seul, soit en présence d'autres gènes, mais aussi cette découverte de gène DIRC a permis de déterminer qu'il y a des mutations sur ce gène DIRC dans d'autres déficiences intellectuelles qui n'ont rien à voir avec la trisomie 21. Alors les pistes, vous voyez que les pistes, ça ne sera pas uniquement pour la trisomie 21, mais pour d'autres déficits intellectuels. Et il faut savoir caractériser ces déficits intellectuels si on veut comprendre quelque chose. Et la souris, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Et ça ne sera certainement en regardant des déficits différents via des IPS, etc., qu'on comprendra quelque chose dans les circuits neuronaux et qu'on pourra déterminer dans un premier temps, grâce à ces cellules, soit IPS, soit issues de fibroblastes de patients. Il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils et pas assez de chercheurs et surtout pas assez d'argent dans le monde. Et encore moins en France. Heureusement qu'il y a un laboratoire comme celui de Yann et quelques autres à Paris. Eh bien, c'est grâce à ça qu'on pourra retourner à la souris, parce que la souris, c'est un outil très important, et essayer d'avoir des pistes qui marcheront en cellulaire, en animaux souris, puis chez l'homme. Et puis, il faut faire des études épidémiologiques à plus grande échelle. Malheureusement, certaines études épidémiologiques et certaines pistes, comme celle du GABA, n'ont pas marché, fait par Roche. Eh bien, vous êtes parfaite parce que vous faites la transition avec le reportage du jour. Bonjour Céline Lozel. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes allée à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour voir une équipe qui étudie justement le rôle d'un neurotransmetteur, le GABA, dans les déficiences intellectuelles des patients atteints de trisomie 21. Oui, j'ai retrouvé Marie-Claude Potier qui est directrice de recherche au CNRS. Son équipe étudie les mécanismes neurophysiologiques à l'œuvre, en particulier autour de l'action du GABA, donc ce neurotransmetteur. Dans le cerveau, il y a un équilibre entre l'excitation et l'inhibition des transmissions synaptiques. Il se trouve que le GABA inhibe fortement certaines de ces transmissions. Alors, en bloquant l'effet du GABA, il serait possible d'atténuer les déficits cognitifs. Et pour lever cette inhibition, l'équipe travaille à la fois sur des modèles de souris, des mini-cerveaux de culture et des cerveaux humains avec comme objectif de restaurer certaines fonctions neurologiques. Dans le cerveau, on a des neurones inhibiteurs et des neurones excitateurs. Et les neurones inhibiteurs, ils ont un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Donc les neurones qui fabriquent ce neurotransmetteur vont envoyer des signaux inhibiteurs aux cellules excitatrices. Donc si vous voyez le cerveau comme un réseau de cellules inhibitrices-excitatrices, il y a une inhibition qui est exacerbée dans les cerveaux des modèles de souris. Là, on passe à la souris parce que chez l'homme, c'est plus difficile. Des souris atteintes, donc. Des souris atteintes. Alors des souris atteintes génétiquement modifiées. Et qui porte trois copies. Alors, ce n'est pas le chromosome 21 chez la souris. Le chromosome humain chez la souris, il y a trois régions chromosomiques chez la souris qui portent tous les gènes du chromosome 21. Donc, il y a une grosse région qui est à peu près équivalente du chromosome 21, du chromosome 16 de souris, et puis une petite région du 17 et une petite région du 10. Donc, la souris qui exprime trois copies de ces gènes, on dit que c'est un modèle de trisomie 21. Ce que vous voulez dire, c'est que dans le cerveau, il y a un équilibre entre l'inhibition et l'excitation, et que chez les personnes atteintes de trisomie 21, il y a une surinhibition et on cherche à réfréner l'action de ce neurotransmetteur GABA dans la transmission synaptique. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est diminuer l'inhibition. Le problème des inhibiteurs de GABA, c'est que c'est des molécules qui peuvent provoquer des convulsions, puisque trop d'excitation aboutit à des crises d'épilepsie. Donc il faut tempérer ces diminutions d'inhibition. Donc sur le récepteur GABA, on a les sites de liaison du GABA, mais à côté, on a des sites de liaison qui sont très intéressants, qu'on connaît depuis longtemps. C'est le site des benzodiazépines. Les benzodiazépines, c'est des molécules tranquillisantes, le tranxène. Le tranxène facilite l'action du GABA, il facilite l'inhibition. Donc, on a l'effet anxiolytique et puis à forte dose, l'effet un peu sédatif, mu relaxant, etc. Et anticonvulsivant, hein, c'est utilisé pour inhiber l'épilepsie. À l'ICM, qu'est-ce que vous étudiez particulièrement avec votre équipe ici ? Alors, voilà, donc on a voulu comprendre ce qui se passait parce qu'évidemment, on voit un effet. Et après, quand on se dit quel est le gène du chromosome 21 qui intervient, on n'en sait rien. Donc, on a commencé à faire des expériences de physiologie avec une autre équipe de l'ICM, c'est l'équipe d'Alberto Bacci, qui est un grand spécialiste des interneurones. Et donc, parmi les interneurones, donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait dans le cerveau des souris trisomiques. Donc, on a croisé les souris trisomiques avec des souris qui expriment des protéines fluorescentes dans ces neurones pour ensuite faire des expériences d'enregistrement. Donc chez les souris trisomiques, in vivo, d'abord anesthésiées, et ensuite chez la souris éveillée, consciente. C'est des manips qui sont vraiment difficiles, que Alberto Bacci a développé dans son équipe et qu'on essaye d'appliquer souris trisomiques. Donc Laura Chicota, elle est postdoc dans l'équipe. On essaie de voir si on peut prédire si une personne va avoir plus de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer avec des marqueurs génétiques. Donc, c'est comprendre ça. Évidemment, après, on veut l'appliquer sur des corps de personnes porteuses de trisomie. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Là, vous voyez devant son écran, on voit les données génétiques qui s'affichent. On a beaucoup de données. On va voir si on trouve Amel, qui est aussi une autre postdoc dans l'équipe, qui travaille sur un autre projet européen, qui est d'essayer de comprendre. Donc, dans la trisomie 21, on a trois copies du gène APP. Il y a une forme génétique de maladie d'Alzheimer, où on a uniquement trois copies de l'APP. Mais on se dit, trois copies d'APP, donc dans la trisomie, on devrait en trouver. Eh bien non, il n'y a pas beaucoup de dépôts dans les vaisseaux. Et puis ce qui n'était pas clair, c'est est-ce que les cellules de la paroi des vaisseaux font de l'amyloïde ? On arrive ici dans la salle de culture, et la zone, on fait les IPS. Donc ça, c'est notre box. Bonjour ! Bonjour ! Amel, c'est l'endroit où on cultive toutes ces cellules. Et donc l'endroit aussi ici où on fait des organoïdes. Donc à partir des cellules IPS, on peut faire des mini-brains. Des mini-cerveaux, pardon. Et donc il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Et nous, on va intervenir, Amel va justement intervenir parce qu'on va essayer d'introduire dans les mini-cerveaux des vaisseaux. Parce que pour l'instant, les mini-cerveaux qu'on fait, ils ne sont pas vascularisés. Oui, ouais. Un réseau vasculaire qu'on fait pousser par ailleurs ou pour... Oui, exactement. Par la suite, on voudrait mettre dans des mini-cerveaux contrôle des cellules endothéliales de microduplication APP qui font beaucoup d'angiopathie amyloïde. Donc ça, c'est des manips qui sont hyper longues. Oui. Il faut des mois. Vous espérez obtenir ce modèle à quel horizon de... Donc ces modèles, les mini-cerveaux, ça fonctionne déjà. On pense que tester la vascularisation des mini-cerveaux, L'année prochaine, on devrait déjà avoir des résultats préliminaires et après, bon, il faudra le répéter sur un certain nombre de mélanges là, dont je vous parlais. Voilà, donc on sort du SAS. On retourne dans l'environnement non hostile. Donc l'importance de travailler sur la trisomie, elle est multiple. Hein. Beaucoup de gens pensent que la trisomie va disparaître à cause des tests. Donc le facteur de risque, c'est l'âge. Et compte tenu du fait que les femmes font des enfants de plus en plus tard, la prévalence, elle augmente. En tout cas, le nombre de cas n'est pas en baisse et il y en aura toujours. Et donc c'est aussi évidemment intéressant de savoir qu'on peut corriger des déficits cognitifs. Voilà pour le reportage du jour à l'ICM. Une brève réaction à ce que vous venez d'entendre, Yann Hérault. Écoutez, je pense que c'est très intéressant. La voix sur laquelle travaille Marie-Claude Potier est effectivement une voix très intéressante. Ça pose en fait une question qui est à plusieurs dimensions en fait, dans la trisomie 21. La trisomie 21, c'est tout d'abord un syndrome neurodéveloppemental. C'est-à-dire c'est une anomalie qui va conduire à des défauts au cours du développement du fœtus ou de l'embryon. Et c'est ce qu'on voit chez les enfants à la naissance. Et ça va impacter leur fonctionnement cognitif, l'établissement de leur fonctionnement cognitif avec des balances entre ces neurones excitateurs et inhibiteurs. Mais c'est aussi une maladie qui est tardive, avec des expressions tardives, comme l'apparition de d'une forme spécifique de maladie d'Alzheimer, qui se déroule plutôt dans la deuxième partie de la vie des personnes atteintes de trisomie 21 et qu'on ne connaissait peu avant puisqu'on avait malheureusement très peu de personnes qui vivaient relativement longtemps. Donc c'est une maladie aussi qui est multigénique, donc il y a plusieurs gènes sur le chromosome 21 qui sont importants pour ces manifestations neurodéveloppementales ou neurodégénératives. On a parlé du gène DIRCA pour le neurodéveloppement, très brièvement, mais c'est son nerf principal d'effet, mais il a aussi un effet sur le neurodégénératif avec le gène APP. Donc on est sur une maladie qui sera pas facile de soigner, au moins de favoriser une certaine autonomie chez les patients, de manière à leur offrir une vie, une qualité de vie meilleure. Il faudra certainement jouer sur plusieurs de ces gènes, plusieurs de ces voies de signalisation pour arriver à cette fin. Jacqueline London, vous rappeliez avant le reportage qu'il y a une lacune en matière de financement de la recherche autour de la trisomie en France. Alors rapidement, quel est le rôle d'associations comme la vôtre aussi pour promouvoir cette recherche autour de la trisomie 21 ? Nous sommes une association initiatrice, nous sommes une petite association. Je voudrais dire que nous avons été dépassés par la Fondation Jérôme Lejeune, qui donne beaucoup d'argent essentiellement à l'étranger, un peu en France. Mais je voudrais, à l'adresse de cette fondation, dire que puisqu'il y a des embryons atteints de trisomie 21 qui sont récoltés, cette récolte des embryons va pouvoir permettre de la recherche et permettre peut-être de comprendre beaucoup mieux comment, chez l'embryon et le fœtus, comme le rappelait Yann, il y a des anomalies qui conduisent au moment de la naissance et dans les apprentissages ensuite à des déficits. Croyons à la recherche et ne soyons pas assis sur des postures pour empêcher ce type de recherche. Nous croyons à la recherche et nous y croyons pour longtemps. Merci beaucoup Jacqueline London et Yann Hérault de nous avoir éclairés tout au long de cette heure sur les enjeux de la recherche autour de la trisomie 21. Un grand merci aux équipes de France Bleu Alsace d'avoir rendu le duplex possible avec Strasbourg. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Clémence Alzard, Alexandra Delbeau, à la réalisation Émilie Ivala, à la technique aujourd'hui Thibaut Nassimben. Demain dans la méthode scientifique, nous prendrons le chemin des galaxies et des grandes structures de l'univers et nous essaierons de comprendre comment se tisse la toile cosmique avec nos invités Françoise Combes et Sandrine Codis. Rendez-vous demain à 16h.